pas, je regarde ta photo accrochée sur le frigo vide. J'ai envie de te parler, le regard livide. Avant je pouvais dire papa je t'aime, mais maintenant je dois dire papa je t'aime quand même. Papa, je nous vois, maman et moi, regardons cette ennuyante émission. Espérant te voir entrer, mais tout est long. Avant je pouvais dire, papa je t'aime, mais maintenant je dois dire, papa je t'aime quand même. Tu bois pour oublier nos soucis d'argent, mais nos soucis d'argent viennent en buvant. Papa, il est 11h, tu rentres enfin. Je dois aller me coucher, car j'ai cours le matin. Je t'attends dans mon lit, espérant que tu viendras me dire bonne nuit. Passe devant ma chambre, mais tu me rates, tu m'oublies. Avant je pouvais dire papa je t'aime, mais maintenant je dois dire papa je t'aime quand même. L'alcoolisme a tué le père qui rentrait tous les soirs gentiment et tout fier. Ce père je l'aimais par-dessus tout, mais j'aime l'autre quand même, par-dessous tout. Ne croyez tout de même pas qu'il ne s'occupe pas de moi. Il m'adore, il m'écoute, il est ouvert à tout. C'est même lui qui m'inspire pour mes chansons. Mais ce qui gâche tout, c'est qu'il boit. Et ça, c'est con.